Bilan, page 84. Hé Pascal, tu as vu ma veste ? Super, elle te va bien. Tu l'as achetée où ? Je suis allé au centre commercial samedi. Ah, je ne vais jamais là-bas. Moi non plus. Mais je suis passé devant et je suis entré pour voir. Et alors ? Alors, j'ai vu des vestes dans une vitrine et j'en ai acheté une. C'est bien. Moi, je ne fais plus les magasins le samedi. Il y a trop de monde. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es resté chez toi ? Non. On s'est levé tard avec Béatrice et on est allé au restaurant, au bord de la mer. Qu'est-ce que tu as mangé ? Moi, j'ai pris de la soupe de poisson, des fruits de mer et du gâteau au chocolat. Et Béatrice, elle a mangé du poisson aussi ? Mais non, tu la connais. Elle n'en mange jamais. Ah oui, c'est vrai. Nous, on a dîné chez ma mère. Elle nous a fait du cassoulet. Ah, c'est délicieux le cassoulet. Oui, mais j'en ai trop mangé. Et puis, j'ai trop bu. Comme d'habitude, Régis, tu ne sais pas t'arrêter. Oui, mais dimanche, je suis resté au lit jusqu'à midi. Je n'ai rien fait, je me suis reposé. Moi aussi, j'ai besoin de me reposer. Tu ne veux pas faire mon travail ?